confirme. Il est là. Et il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Je vous confirme, bienvenue sur la radio Bonheur, Maxi France, le meilleur de la chanson française des années 80 à nos jours, à l'instant avec Christophe Maé. Il est où le bonheur? Comme promis, Frédéric Chateau ou encore Amir sont à suivre sur Maxi France. Et pour l'instant, Maxi France est le dernier Madame Monsieur, la loi de l'attraction, en duo avec Kyo, ça j'aurais même peut-être dû mieux dire, en trio. Madame Monsieur, le nouveau, en exclu sur Maxi France tout de suite.